Il est incollable sur les blockbusters et il nous le prouve tous les vendredis. Frédéric Sigrist, ce matin vous nous parlez de la nouvelle adaptation du roman Dune par Denis Villeneuve. Oui Mathilde, parce que ça y est, j'ai enfin lu Dune au cinéma. Vu Dune? Non, lu. Ah bon ? Dune, ça se lit. Je sais bien qu'il est de bon ton de dire qu'on peut aller voir le film sans avoir lu le livre de Frank Herbert. Mais bon, aux élections, on peut aussi voter sans lire les programmes. Hein. Mais après, faut pas s'étonner si pendant le mandat, il y a des trucs qu'on comprend pas. Le livre fait plus de 600 pages, il y a des tonnes de choses à expliquer, tout un univers à poser, et au bout de 2h35, Denis Villeneuve, il en est même pas à la moitié. En gros, ce film, c'est comme un jeu de société où au bout de 2h30, le gars te dit... Ah bah voilà, on vient de finir de lire les règles du jeu, mais un peu tard, on n'aura qu'à jouer demain. Bon, est-ce qu'au moins Denis Villeneuve a été respectueux du texte d'origine? Ah ça, il l'a été. Chers auditeurs, trouvez-vous quelqu'un dans la vie qui vous respecte comme Denis Villeneuve respecte le roman Dune? Il l'a tellement respecté que pendant les 2h35 que dure le film, j'ai entendu le roman dire « C'est bon, détends-toi maintenant Denis, je suis pas ta mère hein. ». Le Dune de Denis Villeneuve, on y entre avec des patinettes. Il y a un côté Stéphane Bern qui fait visiter le château de la famille Windsor. Touchez pas, c'est fragile. Dans le film, on commence sur Caladan, la planète de la famille de Paul Atreides, le héros du film. C'est Timothée Chalamet qui joue une sorte de Jésus, mais encore en période d'essai. Hein. Il y a des décors magnifiques, immenses, des bâtiments qui rappellent la Russie stalinienne ou des médiathèques en Seine-Saint-Denis. C'est très spartiate. Il y a un super feng shui chez eux. Ils ont des grandes salles à manger avec des tables de 12 mètres de long, mais il n'y a pas de placard. Dans le film, il t'explique que Paul Atreides est entraîné physiquement depuis son enfance. Bah, tu m'étonnes. Tu lui dis de mettre la table, il a déjà fait plus que ses 10 000 pas par coup de quotidien. Et la famille Atreides est envoyée par l'empereur sur Arrakis. Alors Arrakis, c'est Paris-plage si Anne Hidalgo est élue présidente. Voilà, il y a du sable partout, plus de voitures et tu remplaces des rats des Tuileries par des vers des sables géants. Ils sont envoyés là-bas pour gérer le commerce de l'épice. L'épice, c'est un peu comme ça qu'un conspirationniste voit la vaccination. C'est-à-dire, tu captes la 5G, ça te donne des super pouvoirs, ça fait marcher les vaisseaux, tu deviens fou. Et le truc, c'est que ça plaît pas au baron Harkonnen, un néolibéral qui veut être toujours plus riche, le genre d'entrepreneur qui s'installe à l'étranger, pille les ressources et appauvrit les populations locales. En gros, c'est Vincent Bolloré avec un indice de masse corporelle au-dessus de 30. Donc la famille Atreides va chercher à sympathiser avec les natifs d'Arrakis, les Fremen, qui ne sont rien d'autre que des Moudjahidines, des bédouins écolos. Parmi eux, il y a l'actrice Zendaya qui, Denis Villeneuve, a fait croire qu'elle tournait une pub pour du parfum parce qu'à chaque fois qu'on la voit, elle marche en tongs au ralenti dans le désert en souriant. Bon, vous avez pas aimé, c'est ça? Eh bah si Mathilde. Ah bon? Bah si, parce que Denis Villeneuve reste un très très grand réalisateur. Mais c'est surtout que je fais partie de ceux qui pensent que Dune est très difficilement adaptable en film. D'autant que le studio Warner est derrière et que je me demande toujours si ce dernier est bien conscient de ce qu'il a produit. Parce qu'en 2021, se lancer à la conquête du box-office avec un film où le méchant est un horrible capitaliste, où une société secrète composée uniquement de femmes manipule l'histoire du monde depuis des millénaires, où les gentils sont des arabes écolos, et où le héros prend du LSD pour avoir des super pouvoirs, tout ça avant de lancer ce que Frank Herbert a appelé le djihad butlérien sur le reste de l'univers, moi je dis, ça se tente. Bref, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'islamo-gauchisme, allez voir Dune. Merci beaucoup Frédéric Sigrist. Je signale à nos auditeurs qui vivent dans la région de Nancy que vous serez là-bas tout le week-end. Exactement, je joue mon spectacle super-héros ce soir, demain et dimanche. Et en plus, là c'est pour tous ceux qui nous écoutent en France et dans le monde entier, vous avez repris les enregistrements de votre podcast Blockbuster version longue. C'est quoi le premier épisode de la saison? Evangelion, le dessin animé culte d'Hideaki Anno. Merci beaucoup Frédéric. France Inter.